me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se déploient les nouveaux impérialismes? Quel rôle va jouer la pensée raciale? Pourquoi les Russes soutiennent-ils les orthodoxes arabes contre la domination grecque? Quelle est la genèse du nationalisme arabe? Comment réunir des peuples dispersés sous la bannière pan qui prolifère, pan-germanisme, pan-islamisme, pan-américanisme? Comment s'affirme le principe de nationalité et la recherche du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Pourquoi le Turc Abdulhamid réaffirme « je suis le calife » Comment joue chez les Britanniques le spectre de la révolte musulmane en Inde et celui du complot islamique chez les Français? Pour nous faire entrer dans la riche et complexe question d'Orient, Henri Laurence, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire contemporaine du monde arabe, a choisi le récit, le fil chronologique sur le temps long et sur un vaste espace. Dans le cadre de sa série pluriannuelle consacrée aux provinces arabes de l'Empire ottoman, l'historien nous introduit à la période du début des années 1880. Il joue aussi bien de la grande focale que de la plus petite quand il met l'accent dans cette vaste fresque très vivante sur un certain nombre d'acteurs importants et parfois pittoresques dont la vie, les décisions, les écrits nous sont cités et analysés, par exemple ceux de Lord Blount, l'auteur de « The Future of Islam », et aussi la figure de Jules Barthélemy Saint-Hilaire, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Jules Ferry. Où Henri Laurence peut développer aussi une crise qui va laisser de durables stigmates, par exemple les Anglo-Indiens face aux Russes, ou quand il pose les prémices d'un nouveau mouvement, comme le panislamisme, identifié dans la correspondance diplomatique dès 1879. Ce mouvement est vite perçu comme un danger du fait de son instrumentalisation par le sultan Abdulhamid, qui proclame son pouvoir spirituel de calife pour mieux se rallier l'ensemble des musulmans dans le monde et contrecarrer les appétits anglo-français sur son empire affaibli. Ce tournant des années 1880, c'est aussi la France qui hésite entre la ligne bleue des Vosges et la réaffirmation de sa puissance grâce à l'expansion de son empire colonial. Les discussions sont alors intenses. Faut-il intervenir en Tunisie? Dans une interview donnée à la revue Le Débat en 2015, Henri Laurence souligne les pans entiers du monde musulman qui passent sous domination européenne en développant progressivement le sentiment chez l'ensemble des musulmans que leur sort collectif est lié. La conquête russe de l'Asie centrale, la conquête française de la Tunisie sont ressentis comme un choc. Ce sentiment d'un collectif musulman face à la menace politique européenne de domination va se traduire dans le panislamisme à partir des années 1880. Cela posé, l'historien note aussi, et je le cite encore, « Mais là où les choses se compliquent, c'est que ce discours est en même temps une forme de reconnaissance de la division de l'islam. De fait, le monde musulman est en train de se diviser entre Turcs, Arabes, Persans, et ainsi de suite, parce que des nationalités sont en train de naître à l'intérieur de ce même espace religieux. » Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 16 novembre 2016 pour le cours d'Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, impérialisme et panislamisme. Il faut bien se mettre aussi dans le contexte de 1880, contexte mondial qui est essentiel. 1880, c'est une année tournante, enfin, début des années 1880, début de l'âge de l'impérialisme. c'est le moment où la pensée raciale devient dominante dans la pensée politique européenne. Et c'est aussi le moment où le principe des nationalités est en train de se transformer. Alors, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le principe des nationalités, qui est apparu en Europe au lendemain de Waterloo, au lendemain de 1815, n'est pas le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui, on le verra un siècle plus tard, à la sortie de la Première Guerre mondiale. Le principe des nationalités, c'est une tendance au rassemblement territorial de populations qui ont une unité ethnique, en quelque sorte, qui sont divisées en plusieurs entités politiques et que l'on veut réunifier ou unifier en une seule unité politique. Donc, les deux exemples célèbres du principe de nationalité, c'est l'unité italienne et l'unité allemande. Et à la fois, évidemment, il y a un puissant courant politique exprimant cette volonté d'unifier les Allemands et les Italiens, mais en même temps, cette unité n'a pu se faire que par la force des armes, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Donc, pour les tenants du principe des nationalités, les petits peuples n'ont pas le droit à ça. Au contraire, ils sont destinés à se dissoudre dans les grandes unités, d'où ces textes qui nous paraissent aujourd'hui scandaleux, par exemple de Marx ou d'Engels, qui dénoncent les petits peuples slaves qui veulent maintenir leur existence alors qu'ils doivent fusionner avec l'ensemble allemand. Donc il y a des textes très hostiles, par exemple aux Tchèques, à l'époque on les appelle les bohémiens, parce qu'un nationalisme tchèque n'a pas de sens dans la pensée de cette première partie du XIXe siècle, où le principe des nationalités est pensé comme un principe de rassemblement et non pas un principe de division. Un principe de division, ce serait de couper l'Empire austro-hongrois, austro-hongrois maintenant, en plusieurs unités politiques distinctes, parce qu'il y a plusieurs peuples. Donc, le principe des nationalités n'est pas un séparatisme. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un point essentiel. Le second point, c'est qu'aux alentours de 1870, dans la décennie 1870, on établit de plus en plus une relation entre la nation et la race. Et les penseurs européens divisent l'Europe en plusieurs grands ensembles, un ensemble nordique et germanique qui regroupe la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Europe du Nord, avec la Scandinavie. Alors on parle de race germanique, où par exemple Lord Salisbury, le grand homme d'État britannique de la fin de l'époque victorienne, parlera des races teutoniques, qui sont les seuls à avoir conservé la capacité à être libre. Et ça, il le dit en public, comme Premier ministre de Sa Majesté la Reine Victoria. Alors, on parle aussi d'un sous-ensemble des races anglo-saxonnes qui regroupent les Anglais avec les Anglais du reste du monde, c'est-à-dire ceux d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc. C'est ces nouvelles Europes qui sont en train d'émerger, mais aussi avec les anglophones des États-Unis. Et donc, c'est le début des discours. Un problème, c'est qu'aujourd'hui, les Anglais ont oublié qu'ils croyaient à la race anglo-saxonne, ce qui fait que les seuls qui parlent encore des anglo-saxons, ce sont les Français. Donc, à chaque fois que nous, les Français, nous parlons d'anglo-saxons, les Britanniques sont interloqués et pensent que c'est une invention française, alors que c'est tout simplement le discours habituel des Britanniques de la fin du XIXe siècle. Alors, on a aussi une Europe du Sud qui est latine, donc c'est la France, l'Espagne, le Portugal et l'Italie, donc ça, ce sont les races latines, avec curieusement un morceau de race latine perdu dans les Balkans, qui, ce qu'on appellera bientôt la Roumanie. Et puis, on a les races slaves. Alors, les penseurs européens font une identification entre ces races avec des religions. Ce qui est absurde, mais c'est pas grave. Donc, les Slaves sont spontanément orthodoxes, les Latins sont spontanément catholiques, et les Germains, les Anglo-Saxons, sont spontanément orthodoxes. Et ensuite, on va transplanter ça en Islam pour dire que les Arabes sont spontanément sunnites et les Iraniens spontanément chiites. Alors, le problème, c'est qu'on a toujours des exceptions qui sont importantes. Vous avez un paquet de Slaves qui sont catholiques, comme les Polonais, une partie des Tchèques, les Slovènes, les Croates, etc. Et vous avez des Germains qui sont catholiques aussi. Bon, mais ce n'est pas grave, ils se sont trompés. Pas ceux qui analysent, mais les populations en question. C'est eux qui ont fait l'erreur. Et c'est pour ça qu'un Slave catholique, c'est quelque part un traître à la race Slave, c'est d'ailleurs ce qu'on pense à Moscou, d'ailleurs, enfin à Saint-Pétersbourg, à l'époque. Alors, ce qui s'est passé dans l'affaire balkanique, c'est une explosion en vol, si j'ose dire, de l'orthodoxie. Alors aujourd'hui, les orthodoxes, les théoriciens orthodoxes, vous expliqueront, l'Église orthodoxe est spontanément nationale, elle se crée dans chacun des États. C'est donc la spécificité de l'orthodoxie qui est d'être toujours dans un cadre d'un État-nation, contrairement au catholicisme qui se veut universel et qui n'accepte pas l'État-nation. Bon, ça, évidemment, c'est de la foutaise. C'est le résultat, mais pas la cause. Fondamentalement, ce qui s'était passé, c'est que le patriarcat de Constantinople, le patriarcat œcuménique de Constantinople, avait perdu le contact avec les patriarcats orientaux au 7e siècle, puisqu'il y avait la conquête musulmane. Et donc les patriarcats de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie avaient perdu le contact avec Constantinople. Ça, c'est un fait fondamental. Bon, Alexandrie, ça comptait pas, puisque de toute façon, ils étaient devenus hérétiques par ailleurs, puisque l'Église copte était considérée comme hérétique. Mais au XVIe siècle, quand les Ottomans font la conquête des provinces arabes, ils amènent dans leur fourgon les Arméniens et les Grecs. Avec l'arrivée des conquêtes arabes, les conquêtes ottomanes, c'est ce que j'ai appelé la byzantinisation de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que le patriarcat de Constantinople a repris le contrôle sur l'ensemble des orthodoxes de l'espace ottoman, aussi bien d'un côté sur les orthodoxes des Balkans que de l'autre côté sur les orthodoxes des pays arabes. Et une fraction des orthodoxes balkaniques et arabes ont refusé cette prise de contrôle par les Grecs, parce que c'était des Grecs à Constantinople, et s'en passer à l'Église catholique, ce qu'on appelle les Églises uniates, ou grecques catholiques. Grec étant pas au sens, enfin, grec au sens de Roum, c'est-à-dire de Byzantin. On dit Roum catholique, pas orthodoxe, enfin pas grec yunaniyin. C'est Roum. D'où le fait paradoxal que la conquête ottomane avait restauré la puissance du patriarcat orthodoxe de Constantinople à un point qu'elle n'avait jamais eu depuis l'époque de l'empereur Justinien au VIe siècle, puisque d'un seul les orthodoxes de Constantinople recontrôlaient les Balkans et tout le Proche-Orient, sauf l'Égypte, il n'y avait que très peu d'orthodoxes en Égypte. Alors, les Arméniens, c'était un peu la même chose, dans la mesure où les Arméniens sont aussi arrivés dans les fourgons ottomans, ce qui explique en particulier leur très grande importance à Jérusalem, puisqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, les Arméniens tiennent les finances de l'Empire ottoman, et les grands banquiers ottomans financent la présence arménienne à Jérusalem, d'où l'importance des grands monastères arméniens à Jérusalem, le quartier arménien de la ville sainte, etc., etc. Ceci pour montrer simplement aussi au passage que les rapports entre chrétiens et musulmans dans l'Empire ottoman sont beaucoup plus compliqués que on le pense dans une logique de simple domination opposant des dominants et des dominés. Le patriarcat de Constantinople n'est un instrument du pouvoir ottoman, mais en même temps, il est pleinement gagnant parce qu'il a restauré sa puissance qu'il avait perdue à la fin de l'époque byzantine. Mais ensuite, à partir de la révolte grecque, l'orthodoxie se pulvérise dans les Balkans, puisque chaque fois qu'un peuple balkanique accède à des formes d'autonomie prononcées, sa première exigence, c'est de couper la relation avec le patriarcat orthodoxe de Constantinople. Ainsi, après la révolte grecque, dès 1831, la Grèce indépendante se dote de sa propre hiérarchie ecclésiastique et coupe la relation avec Constantinople, parce que rester sous la domination du patriarche de Constantinople, ce serait rester sous une domination de type ottomane. Et puis ensuite, les peuples slaves des Balkans, comme les Serbes, les Bulgares, les Roumains, enfin les Roumains ne sont pas slaves, ils sont, enfin, les peuples orthodoxes des Balkans, chacun à leur tour, dès qu'ils deviennent autonomes, ils coupent les relations avec le patriarcat de Constantinople. C'est-à-dire donc qu'à fur et à mesure que l'Empire ottoman perd de territoire, le patriarcat orthodoxe de Constantinople perd du pouvoir. Et dans les provinces arabes, c'est la même chose, parce que tout le haut clergé orthodoxe arabe est grec, est tenu par des Grecs ethniques, et le bas clergé est arabe, et les fidèles sont arabes. Et dès la fin du XIXe siècle, les Arabes refusent la domination des Grecs sur le sur les patriarcats de Constantinople d'Antioche et de Jérusalem. Donc les bagarres sont absolument terribles. À certains moments, les nominations ecclésiastiques ne peuvent plus se faire, etc. Ça va aussi jouer un rôle important dans la genèse du nationalisme arabe, parce que ce sont les Arabes orthodoxes qui se révoltent au nom de leur arabité contre la domination grecque et pas contre la domination turque. Ce qui vous expliquera ensuite, dans l'étape suivante de l'histoire, qu'énormément de leaders nationalistes arabes viendront des orthodoxes arabes, parce qu'ils ont été formés à une culture arabe d'opposition, mais pas à l'opposition aux Ottomans, à l'opposition aux Grecs. Et dans cette fin du XIXe siècle, ces orthodoxes arabes vont obtenir le soutien de la Russie. Parce que si la Russie orthodoxe avait soutenu, dans un premier temps, la révolte grecque au début du XIXe siècle, elle soutient maintenant les Slaves. Et donc, les Russes s'opposent assez fondamentalement à l'Église proprement grecque, qu'elle soit d'Antioche, enfin qu'elle soit de l'Église nationale grecque ou de Constantinople. D'où le soutien que les missions consulaires russes apportent aux orthodoxes arabes contre la domination grecque, parce que s'ils étaient restés sous domination des Grecs, ils ne pourraient pas être sous l'influence russe. D'où, jusqu'à aujourd'hui, l'image extrêmement positive que les Russes ont dans la population chrétienne orthodoxe des pays arabes, qu'ils ont été quelque part considérés comme la Sainte Russie, comme libératrice des orthodoxes arabes. Alors, tout ça, si vous émettez les peuples qui se sont dispersés en unités raciales, vous créez des mouvements collectifs qui, dans les années 1870-1880, se rassemblaient sous le terme « pan quelque chose ». Alors, on a évidemment le mouvement dit « pan-germaniste », qui essaierait de réunir tous les Germains dans une unité politique. Alors, on ne sait pas laquelle, d'ailleurs. Est-ce que ce sont simplement les Allemands de l'Autriche-Hongrie qu'on rajouterait à la petite Allemagne de 1871, ou on pourrait penser à d'autres populations allemandes jusqu'aux Allemands de la Volga, voire même de considérer comme Allemands les peuples scandinaves et autres. C'est ce qu'on appelle le pan-germanisme. Donc on sait très bien que le pan-germanisme est l'un des courants qui donneront naissance au XXe siècle au nazisme. Enfin, disons que le nazisme sera l'héritier de ce courant pan-germaniste de la fin du XIXe siècle. Vous avez le pan-slavisme qui cherche à réunir, ou en tout cas à unifier dans l'action politique de tous les peuples slaves, si possible orthodoxes. Les autres ne sont pas très intéressants pour les pan-slavistes, puisque des slaves catholiques, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore pire que les slaves catholiques, ce sont les slaves musulmans, qui existent aussi. Ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans bosniaques, qui sont slaves. Et les pomaks en Bulgarie. Mais bon, comme on dit, ces peuples, ils trahissent l'analyse. Donc, c'est pas sympathique. Et on parle aussi de pan-latinisme, parce que, par exemple, Napoléon III avait poussé à la coopération politique affirmée des États latins. Ça avait amené, entre autres, ce qu'on avait appelé l'Union latine, si ça dit quelque chose à quelqu'un ici, qui était une union monétaire entre l'Italie, la France et l'Espagne, qui faisait que les trois puissances latines émettaient des monnaies or à la même teneur métallique. Autrement dit, les pièces françaises, italiennes et espagnoles étaient interchangeables, parce qu'elles avaient la même valeur métallique. Même s'ils s'appelaient des pesetas ou des lires, elles étaient interchangeables. C'est le premier essai d'union monétaire en Europe, mais c'était fondé sur des métaux précieux. On a le pan-américanisme en Amérique, celui l'union de peuples américains. C'était surtout déjà plutôt une tentative d'hégémonie nord-américaine sur le reste de l'Amérique. Ça, c'est un autre problème. Et donc, en islam, comme on l'a dit, avec toutes les choses qui sont en train de se passer, avec le canal de Suez, avec le télégraphe, avec le bateau à vapeur, les communications dans l'ensemble du monde musulman s'élaboraient. Et depuis très tôt, les Ottomans avaient compris que pour essayer de négocier avec les Anglais, il fallait dire on est influent sur les musulmans des Indes. Et donc à chaque fois que les Ottomans étaient en mauvaise passe, ils essayaient d'envoyer quelques émissaires en Inde en disant non, aux musulmans indiens de s'agiter un peu pour montrer qu'ils tenaient à l'existence de l'Empire ottoman et donc que les Anglais devraient être gentils. Il faut rappeler dans cette période que les Anglais restent toujours traumatisés par la grande révolte de 1857 qui a d'abord été une révolte musulmane plus qu'une révolte hindoue. Et donc le cauchemar d'une révolte musulmane en Inde était un cauchemar permanent pour la Grande-Bretagne. Les réformistes appelaient à la solidarité des peuples musulmans. Alors, comme tout le monde parlait déjà de pan-germanisme, de pan-slavisme, etc., progressivement, dans l'année 1880, va apparaître dans la correspondance diplomatique le terme de pan-islamisme. D'autant plus que le sultan est calife. Enfin, le sultan de Constantinople est calife. Ce qui veut dire que s'il a perdu tout pouvoir temporel dans les Balkans, semi-indépendant, il ne reste pas moins qu'il ait l'autorité spirituelle pour les musulmans sunnites balkaniques, ou pour les musulmans sunnites de l'Empire russe, ou éventuellement pour les musulmans sunnites de l'Empire colonial français et de l'Empire colonial britannique. Donc, en tant que calife, le sultan conservait une place importante dans les relations internationales, sans qu'on sache très bien de quoi il s'agit. Parce que ça ne correspondait pas au mode d'emploi habituel des califes. Sur les califes, on a tous les textes médiévaux, le calife, il fait ceci, il fait cela. Bon, ça, ça marche. Mais là, les Européens disent au sultan, vous avez perdu le pouvoir temporel, mais vous avez conservé le pouvoir spirituel. Mais il n'est pas très sûr que les Ottomans comprennent ce que ça voulait dire, cette distinction entre temporel et spirituel, que les diplomates européens essayaient de lui expliquer gentiment, etc. Parce que ça n'a rien de musulman, cette distinction entre le temporel et le spirituel. Alors, exactement, la première fois que le mot panislamiste apparaît dans la correspondance diplomatique française, c'est en 1879. Et on y voit une volonté de retour de la politique ottomane vers l'Afrique du Nord après la perte des Balkans. S'y ajoute le fait que les Français voient partout des complots musulmans. Ah, parce que en Afrique du Nord, il y a de grandes confréries soufis. Ce sont elles qui se sont opposées à la colonisation française avec l'émir Abdelkader. Bon, en Algérie, elles se sont inclinées, elles sont devenues l'instrument du pouvoir colonial français. Mais au début des années 1820, est née une nouvelle confrérie musulmane en Afrique du Nord, qu'on appelle la Senoussia, les Senoussites, qui s'est établie à partir des territoires ottomans d'Afrique du Nord, c'est-à-dire la Libye actuelle. Et les Senoussis ont entrepris d'encadrer les populations nomades de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Sahara libyen. Et ils se sont arrivés jusque l'actuel Tchad. Et donc cette puissante confrérie qui certes reconnaît l'autorité ottomane, mais qui est pratiquement indépendante de l'Empire ottoman, inquiète considérablement les Français qui sont maintenant qui sont en Algérie, et on soupçonne aussi en Tunisie des confréries d'agir. Donc il y a une obsession du complot chez les coloniaux français. Une fois pour toutes, la théorie du complot, elle est d'abord véhiculée par le système colonial européen avant d'être inoculé aux populations indigènes. Quand vous ouvrez les archives coloniales, vous trouvez des complots absolument partout, soit des indigènes, soit des autres. Les archives françaises sont remplies de complots britanniques et les archives britanniques sont remplies de complots français. Donc il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, évidemment, sauf savoir que le complotisme est quelque chose d'assez universel. Là, en même temps, vous avez eu, après 1878, vous avez eu l'affaire afghane. Les Anglo-Indiens étaient obsédés par une descente russe qui aurait traversé l'Afghanistan. Et donc, ils avaient exigé de l'émir d'Afghanistan l'autorisation de créer une mission permanente britannique à Kaboul. Mais les Russes auraient réclamé la même chose par parité. Donc l'émir avait refusé aux uns et aux autres la création. Et donc en 1879, les Anglais envahissent l'Afghanistan pour la seconde fois. La première fois en 1841, ils avaient reçu une raclée mémorable. Et donc c'est la seconde guerre anglo-afghane. Ils arrivent sans problème jusqu'à Kaboul, ils installent leur mission diplomatique, etc. Ils envoient un proconsul et puis, manque de chance, les Afghans se soulèvent et massacrent la présence britannique à Kaboul. Alors bon, les Anglais reviennent, massacrent copieusement de l'Afghan pour faire comprendre que c'est pas gentil ce qu'ils ont fait. Et puis, ils disent décidément que les Afghans sont insupportables et ils évacuent le pays, ils n'installent pas leur mission permanente. Cela dit, quand même, au passage, ils ont intégré à l'Empire des Indes, enfin l'Empire de l'Inde, au Raj, le col de Khyber, la Khyber Pass, qui donne le contrôle à l'Afghanistan. Donc, territorialement, les Anglais ont fait un gain important, puisqu'ils ont pris la fameuse donc, Khyber Pass, tous ceux qui ont lu Kipling et les autres, c'est combien cette passe de Khyber, enfin le col de Khyber, est un élément profond de la mythologie politique et littéraire anglo-saxonne avant qu'on la retrouve dans les guerres d'Afghanistan de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc, il y a eu cette affaire. Ensuite, on installe un émir d'Afghanistan en 1883, ça calme le jeu. Peu d'années après, les Anglais et les Russes vont se retrouver de nouveau face à face. Et là, on a passé pendant quelques semaines au bord de la guerre mondiale à cause du Pamir afghan, où les Russes et les Anglais se faisaient face à face. Puis quand même, il y a des gens raisonnables à Saint-Pétersbourg et à Londres, on a dit on ne va quand même pas faire la guerre pour des bleds pourris où il n'y a aucun intérêt. Et donc, ils ont arrivé à une négociation qui conduira à la définition territoriale de l'Afghanistan telle que nous la connaissons, l'Afghanistan devenant justement un état tampon entre les Russes et l'Angleterre. Il faut aussi définir le Balochistan, c'est la fameuse ligne Mortimer-Durand dans les années 1890. Et si vous regardez la carte, les Anglais ont créé un corridor afghan qui va jusqu'en Chine. Ça sert exclusivement à une seule chose, à ce que les Russes et les Anglais ne soient pas sur la même frontière. Bon, ensuite, un siècle et demi après, 120 ans après, ça reste un problème pour les habitants locaux. Ça, c'est un autre sujet. Alors, tout ça, il faut rappeler aussi, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de l'islam, mais que les Anglais font aussi une guerre en 1879 en Afrique du Sud contre les Zoulous. Ils commencent par recevoir une raclée par les Zoulous, ce qui nous vaudra la mort du prince impérial français, le fils de Napoléon III. Et puis ensuite, les Zoulous seront massacrés, l'ordre rétabli. Mais cette succession de guerres qui est menée par le gouvernement conservateur explique aussi la victoire électorale de Gladstone, puisque le peuple britannique rejette cette politique de guerre coloniale permanente menée par Disraeli après le congrès de Berlin. Donc on commence à parler de pan-islamisme. Le Collège de France et France Culture vous présentent Henri Laurence, les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, impérialisme et panislamisme. Thank you. Et là, nous allons maintenant retrouver quelqu'un qui va nous accompagner pratiquement dans toutes les cours de cette année, dont j'ai largement parlé l'année dernière. C'est Wilfrid Blount, l'explorateur britannique. Alors, Blount, vous le rappelez, c'est un ancien diplomate britannique qui s'est lancé dans le... avec son épouse Lady Anne Blount, qui est la petite-fille de Lord Byron, la fille d'Ada, la célèbre mathématicienne. Ada, c'était la fille de Lord Byron, qui était la première femme mathématicienne en Europe au XIXe siècle. Et Lady Anne est donc la petite-fille de Lord Byron, la compagne de Blount. Et le couple est allé sillonner la péninsule arabique pour acheter des chevaux pur sang et les ramener en Angleterre. Et donc les Blount ont fait un élevage de pur sang arabe qu'ils allaient acheter dans le désert pour les acclimater à la Grande-Bretagne. Mais en même temps, Blount avait appris l'arabe, s'était passionné pour les causes islamiques, et Blount, puisque nous sommes entrés dans l'âge de l'impérialisme, va devenir dans l'histoire le premier anti-impérialiste, le premier intellectuel anti-impérialiste de l'histoire européenne. Et c'est aux alentours de 1880 que Blount va faire cette mutation. En effet, Blount, quand il est revenu en Angleterre, a pris des cours d'arabe auprès de Louis Sabounji, donc le savonnier, qui est un curé défroqué et qui est donc le professeur d'arabe de Blount. Et puis ensuite, Sabounji a créé son journal arabe qui est publié en Grande-Bretagne et en France et est diffusé dans l'Empire ottoman. Et il a plaidé pour une alliance anglo-ottomane dans la guerre de 1877-78. Et Blount l'accuse d'avoir été payé par le Khedive Ismail pour développer la théorie d'un califat arabe. Le califat ottoman est illégitime puisqu'il n'est pas tenu par un descendant du prophète, ou en tout cas de la tribu du prophète, un Qurayshite. Et donc il faut supprimer le califat ottoman et créer un vrai califat arabe. Ça, c'est la thèse de Sabounji. C'est très important parce que on pense que c'est Ismaïl qui se venge d'Abdulhamid en payant Sabounji pour faire ses textes. Mais en même temps, Blount va reprendre, on le verra, ce thème dans sa propre littérature, dans un livre fondamental que Blount va publier dans quelques mois, dont je reparlerai, qui est The Future of Islam, qui a aussi une grande importance sur la compréhension européenne de l'islam. Et donc, en tout cas, c'est Sabounji qui lance le premier en Europe la campagne dénonçant l'illégitimité du califat ottoman et la nécessité d'un califat arabe. Ce qui fait qu'en 1880, en juillet 1880, Blount est reçu, parce qu'il appartient quand même à la meilleure société, par Gladstone, et il explique à Gladstone que le calife ottoman est illégitime et qu'on pourrait penser éventuellement pour la politique britannique à avoir un calife arabe à la place du calife. Et il explique ça aussi aux gens du Foreign Office, mais il est reçu assez froidement. Cela dit, Gladstone fait diffuser une note au cabinet britannique sur la notion d'un califat arabe. C'est au moment où l'application du traité de Berlin est difficile parce que les Albanais refusent de céder des territoires aux Monténégrins, ce qui implique que l'Europe doit faire une démonstration navale pour forcer les Albanais à capituler et à céder du terrain aux Monténégro. Et c'est là où se joue un certain nombre de choses. On analyse la séquence temporelle. Face à ces textes qui commencent à paraître en Europe dénonçant l'illégitimité du califat, Abdul Hamid réplique en disant « Moi, je suis le calife de l'islam. » Et c'est le moment où l'idée califale devient l'instrument politique numéro un de la politique ottomane. Le résultat, c'est qu'en fait, c'est qu'une réaction d'Abdul Hamid contre les complots, parce qu'il voit des complots partout, lui aussi, qui le visent, est réinterprétée par la politique européenne comme une nouvelle démonstration de pan-islamisme. Et là, on a quelque chose de tout à fait caractéristique qu'on peut appeler être la création d'un danger ou l'invention d'un danger. En effet, je vous le rappelle, au congrès de Berlin, les Anglais, pour faire avaler l'annexion de Chypre, avaient proposé aux Français d'aller s'emparer de la Tunisie. La phrase est célèbre, « Carthage est aux barbares, pensez-y ». Donc ça veut dire aller prendre la Tunisie. L'Allemagne y avait poussé aussi parce que l'Allemagne y voyait deux raisons essentielles pour pousser la France à s'emparer de la Tunisie. La première, c'est que ça les éloignait de l'Alsace-Lorraine. Et la seconde, c'est que ça les débrouillait avec les Italiens. Ce qui n'était pas faux, et donc c'était dans l'intérêt de l'Allemagne de Bismarck que les Français s'emparent de la Tunisie. Et c'est donc le message qu'à Berlin, les Allemands et les Britanniques avaient transmis aux Français. Or, Berlin, c'est 1878-1879, c'est le passage à la République des Républicains. Vous vous rappelez, la France est gouvernée à partir de 1871 par une majorité royaliste qui se résigne en 1875 à voter une constitution républicaine, mais par défaut. Et en 1878, les Républicains arrivent au pouvoir définitivement, ce qui va conduire à la démission de MacMahon et l'élection de Jules Grévy comme président de la République. Donc nous entrons dans le cycle historique, enfin dans la période qu'on appelle la République des Républicains, par rapport à la période précédente qui était une République sans Républicains, enfin qui n'était pas gouvernée par des Républicains. Et le problème de la République des Républicains, c'est la question de la ligne bleue des Vosges. C'est là, cette ligne, où il y a l'Alsace, Lorraine, d'où vient le danger allemand et où sont les terres que la France veut récupérer. Alors, la ligne bleue des Vosges se trouve dans le testament politique de Jules Ferry, qui est un Lorrain, mais au-delà, l'expression est tout à fait courante dans la littérature française de l'époque, pas la ligne bleue, mais par exemple, on trouve chez Juliette Adam, dont je reparlerai, prenez garde à la trouée des Vosges, la ligne des Vosges est un thème récurrent dans la littérature politique française de la fin des années 1870. Et face à ceux qui tiennent sur la ligne bleue des Vosges, il y a les tenants de l'expansion coloniale de la France. Et le débat va être résumé par une phrase célèbre du poète nationaliste français Paul Déroulède. « Vingt servantes ne peuvent remplacer deux filles. » Vingt servantes, c'est les nouvelles colonies que la France va acquérir. Et les deux filles perdues, c'est l'Alsace et la Lorraine. Et donc, c'est tout le débat du début des années 1880. Or, les deux grands chefs de la fraction majoritaire du mouvement républicain français, c'est ce qu'on appelle les opportunistes, Gambetta et Jules Ferry, sont les partisans de la reprise de l'expansion coloniale qui implique une politique de modération par rapport à l'Allemagne. tandis que l'aile gauche du mouvement républicain, ce qu'on appelle les radicaux, qui sont dirigés à l'époque par Clemenceau, il n'y a plus de socialistes à l'époque. Les socialistes, ils ont été éliminés par la répression de la Commune, et donc ils sont hors-jeu dans cette période. Donc l'extrême gauche, c'est Clemenceau. Et Clemenceau est contre l'expansion coloniale. Parce que lui aussi, il est sur la ligne bleue des Vosges. Et curieusement, cette extrême gauche républicaine partage la même analyse que la droite monarchiste. Parce que la droite monarchiste, elle est aussi hostile à l'expansion coloniale. Toujours parce qu'elle se tient sur la ligne bleue des Vosges. Et donc, si vous voulez, c'est le centre républicain qui est partisan de l'expansion coloniale. Alors, tout ça, ça va être le rôle essentiel de Gambetta, qui est l'homme fort du système politique républicain au ce début de décennie 1890. Alors, sur l'évolution politique de Gambetta, on a un témoignage exceptionnel d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Juliette Adam, Juliette Lambert, qui est une écrivaine et qui a épousé M. Adam dans un second mariage, M. Adam étant le financier du Parti républicain en France. Et elle publie cette dame, Juliette Lambert, Juliette Adam, écrit énormément. Elle est la seule femme à tenir une revue littéraire complète, qui est la Nouvelle Revue, dans les années 1880. Elle est donc l'égérie du Parti républicain en France et elle s'oppose à son amie Gambetta parce qu'elle, elle veut la revanche. Elle écrit un livre qui est un classique qui s'appelle « L'abandon de la revanche », qui est la trahison de Gambetta, qui a préféré l'expansion coloniale à la guerre de revanche contre l'Allemagne. Et donc elle fait dire à Gambetta, dans l'abandon de la revanche, en 1878, « Il faut, me dit-il, avec impatience, tâter d'une politique d'expansion, conquérir ou gagner par d'habile neutralité l'équivalent de ce que nous avons perdu. On verra après. Quant à mon anticléricalisme à l'intérieur, tant mieux s'il est un appoint pour au dehors, mais rassurez-vous, il ne m'aveuglera pas au point de faire courir à la France le risque de perdre les bénéfices de notre action et de nos traditions catholiques à l'étranger. » C'est l'origine de la fameuse expression de Gambetta, l'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation. Ce qui explique pourquoi la République sera laïque à l'intérieur et catholique à l'extérieur. Puisque jusqu'à la fin, la Troisième République financera les œuvres catholiques françaises dans le reste du monde. Et Gambetta explique à Juliette Adam que le prince de Galles, le futur Édouard VII, lui a déjà évoqué la possibilité d'une alliance franco-anglo-russe contre l'Allemagne. Et donc, vous voyez, toujours cette année 1880, c'est vraiment une répétition générale de tout cela. Et donc, au moment de Berlin, du congrès de Berlin, il y avait eu l'opposition. Les gens de la revanche ne voulaient pas que la France aille à Berlin. Parce qu'ils auraient pris nécessairement à Berlin des positions hostiles à la Russie. Or, ces nationalistes, les revanchards ne veulent qu'une seule chose, c'est d'une alliance russe. Seule l'alliance avec la Russie permettra de faire la guerre de revanche à l'Allemagne. Tandis que les coloniaux, eux, sont allés à Berlin. C'est ce qui a d'ailleurs emporté. Comme dit Gambetta, toujours d'après Juliette Adam, il faut le reconnaître, la politique d'expansion gagne du terrain parmi nos amis, les gouvernements démocratiques ont leur exigence, il faut caser plus de gens. Tous ceux qui se sont dévoués dans les premières luttes ne pouvant occuper le pouvoir, de grands développements d'énergie dans de hautes situations coloniales peuvent devenir nécessaires. L'Algérie ne nous suffit pas. Si à un moment donné nous ne happons pas notre part de colonie, l'Angleterre, l'Allemagne s'en saisiront. Ça, c'est le grand moteur de l'expansion coloniale, de l'ère des empires des années 1880. On s'empare de territoires pour empêcher les autres de s'en emparer. Hein? C'est pas parce qu'ils ont quelconque intérêt économique. Ça, c'est une absurdité. Parce qu'on va faire la conquête de l'Afrique qui, économiquement, ne rapporte rien et est très coûteuse dans l'état du système économique mondial de la fin du 19e siècle. Si les Français, les Allemands et les Anglais et les Belges font le scramble for Africa, la ruée sur l'Afrique, c'est exclusivement pour empêcher le voisin de s'emparer du morceau avant eux. Ce qui est complètement stupide, mais c'est comme ça que les grands empires coloniaux se sont construits. Depuis la prise d'Alger, en 1830, la politique française avait été de soutenir l'indépendance de la Tunisie, c'est-à-dire d'empêcher tout retour à une autorité directe ottomane, comme l'avaient fait en 1835 les Ottomans, qui avaient repris le contrôle de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine, c'est-à-dire de la Libye. Et pour maintenir l'indépendance de la Tunisie, la marine française interdisait systématiquement à la flotte ottomane de s'approcher des rives tunisiennes. Et cette régence de Tunisie, qui était encore théoriquement ottomane, connaissaient les mêmes difficultés de constitution de l'État moderne que le reste de la région musulmane. Les Européens avaient forcé les Tunisiens à accepter une émancipation des non-musulmans, c'est-à-dire les Juifs de Tunisie, puisqu'il n'y avait pas de chrétiens indigènes. Un poids croissant des colonies étrangères européennes, un système fiscal totalement inadéquat, une gestion financière erratique, un coût croissant de l'appareil d'État obéré par des dépenses somptuaires, d'où le recours à l'endettement, donc une situation de banqueroute, donc une mise sous tutelle des finances tunisiennes. Et puisque la France avait eu le feu vert à Berlin, le consul de France à Tunis accélérait la prise de contrôle de l'économie tunisienne par les intérêts français, soit par la dette, soit par les projets industriels, chemin de fer, port, etc. Problème, c'est que les consuls britanniques et italiens, ils n'étaient pas, enfin l'italien était contre de toute façon, mais le britannique, il n'était pas au courant que son gouvernement avait donné le feu vert aux Français. Donc il s'y opposait. Et on a une situation classique de conflit consulaire en Tunisie, ce que dans la langue diplomatique du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, on appelle la maladie consulaire, la morbus consularis, qui peut se transformer en crise grave de fureur consulaire, la furor consularis, c'est-à-dire une guerre des consulats qui se battent les uns contre les autres et qui cassent les pieds à leurs métropoles respectives, qui sont obligés régulièrement de demander à leurs consuls de se calmer, parce qu'ils n'ont rien à faire de leurs histoires entre consuls qui se bagarrent pour un chemin de fer, une station de métro, enfin, une station de tramway, enfin, tout et n'importe quoi sont ces bagarres de consuls. Londres appelle à l'ordre son consul, mais le consul italien, il continue de faire la guerre au consul de France à Tunis. Gambetta est le chef du parti républicain, mais la Troisième République a pris la décision capitale de ne pas avoir de chef de majorité, ce qui sera tout le problème de la Troisième République jusqu'à la fin de son histoire. Autrement dit, le chef du parti n'est pas le Premier ministre, enfin le président du Conseil, et celui qui devient président du Conseil, c'est Jules Ferry, qui, au début, s'occupe d'abord de son œuvre scolaire, bien connue, les fameuses lois Ferry. Mais ensuite, une fois que les lois Ferry sont passées, au début de 1882, Jules Ferry se lance dans l'expansion coloniale, de 1880, pas début de 1880, soutenu par Gambetta, qui est président de la Chambre. Alors, pour Jules Ferry, dans son texte qu'il écrit l'année suivante, en 1882, de façon anonyme, et qui est le premier manifeste colonial de Jules Ferry, l'abandon de la Tunisie serait le minimum des exigences d'un nouveau genre. À plus forte raison, la France ne devrait-elle pas, d'après eux, se soucier ni de l'Égypte, ni des Grecs, ni de la question d'Orient, ni de la Méditerranée ? Elle n'avait qu'à faire du congrès de Berlin. L'idéal, c'est le renoncement diplomatique et la suppression des armées permanentes, un des articles les plus osés des programmes de l'intransigeance. Dans cet ordre d'idées, il n'y a que le premier pas qui coûte, et l'on ne voit pas bien, en somme, à quoi il sert d'être si fort si on est bien résolu à tout laisser faire et à rester chez soi. Et il dit que la France ne peut pas se résigner à être une grande Belgique. Et ensuite sort le fameux argument des débouchés économiques. La concurrence est de plus en plus ardente entre nations européennes pour se disputer ces débouchés lointains, ces stations aux portes de la barbarie qu'un instinct sûr indique à la vieille Europe comme les têtes de pont de la civilisation et les voies de l'avenir. Les nécessités d'une production industrielle incessamment croissante est tenue de s'accroître sous peine de mort. La recherche des marchés inexplorés, l'avantage si bien défini par Stuart Mill qu'il y a pour les vieux et riches pays de se porter dans les pays neufs des travailleurs ou des capitaux, les tendances si rapidement développées par la vie moderne qui emportent les individus et les peuples hors de chez eux, la science qui met à quelques heures de Londres, de Berlin ou de Paris les extrémités du monde. Jules Ferry, 1882. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Henri Laurence, Les provinces arabes de l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle, impérialisme et panislamisme. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Henri Laurence. Il publie à la mi-février « Les crises d'Orient, questions d'Orient et grands jeux 1768-1914 chez Fayard ». Rappelons aussi l'Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 à 1945 chez Armand Collin en 2015. Et je rappelle également son recueil d'articles « Histoires orientales » chez Simbad en 2013. Réalisation Anne Sécheret, mixage Jean-Richard Dufour, présentation Myrène Moneghetti. Demain, nous retrouverons Henri Laurence sur l'expansion française et les complots pour son cours sur les provinces arabes de l'Empire ottoman fin 19e siècle. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.